J'arrive masqué, petite pute faut casquer. Trop souvent démasqué, toujours au taquet. Prêt à attaquer, sans craquer, braquer. Embarqué, direction le parc. Sans bave, sans aveu, le proc est nerveux. Faut pas que je finisse en tôle, vieux. J'mérite mieux, pas comme ce peu scrupuleux. Écoutez messieurs, personne ne m'encule. C'est Z-E-L-E-R, dangereux comme le terre-terre. Tu connais l'enjeu pépère. Pour quelques E ça sort les revolvers. On est pour le vert, une vie illégale. Une fois le coffre ouvert, c'est chacun à part égal. Souvent ça part au charbon sans penser à demain. C'est con con, ça sent pas bon dans la rue, y'a trop de venin. Frangin se pépé, pépé, on s'arme demain. Respect, pépé, cette putain de vie de gueudin. Écoute bien, ça charbonne sans penser à demain. Sur le terrain, ça se cartonne, elle t'a, on est témoin. Mais l'argent, on fait les choses, même en se brûlant, on sort la bière fine et les pansements. Diban prépare le deuxième plan, mais les gants se l'aiment les parents. On n'est jamais sûr de rentrer vivant, devant un jour grandir nos enfants. C'est des vidiennes qu'on mène, pourtant on est la race humaine. Ça changera pas nos gènes, mettons des fichiers, nos ADN. Mandora si on a la haine, c'est d'où que la vie on la ken. Puis l'expo universel, considéré comme des indigènes. J'mets la gomme cousin, hop demain, y'a pas d'entretien, y'a pas d'à demain. Si t'as pas mon gain, bah mon gars j'te plains. Moi la queue du crin, pas le gris, j'fais le mal pour le bien. C'est Z2L l'Algérien. On vient tous toujours 360 loin. Degrés sur le T des terrains. Comme MEL on est Allemagne, même s'il y a rien. On a jamais mal, c'est bon, bon, c'est rien. J'suis hâte pour fermer le bal, paix, paix aux hommes demain. Souvent ça part au charbon sans penser à demain. C'est con con, ça sent pas bon dans la rue, y'a trop de venin. Frangin se paix, peu peu paix aux hommes demain. Respect, peu peu paix, cette putain de vie de gueudin. Écoute bien, ça charbonne sans penser à demain. Sur le terrain. T'emboîte le pas, la grâce c'est ce que tu montes chez toi. On sait plus sur toi que ta ronda. Tu finiras allongé dans un bois, bien loin de la douceur tes beaux draps. Ici c'est ambiance crapule, tout le monde peut péter une pile. Pas la peine de nous chier une pendule, les hauts de c'est que c'est notre ville. 92 bordel, l'illicite y a fait son règne. La poudre baise avec l'or, ils mettent tous les jours au monde du plomb. Nous on sort de ton décor, s'entraide entre hommes, pas pour le trésor. Souvent je regrette mais sans remords, on a la tête dure même quand on a tort. On avance dans cette France, qu'elle aimante toutes les dépendances. Moi je te dis, fais un deck pour rien, on accélère la cadence. Gosses immigrés sans chichi, jusqu'à la fin tous illicites. T'es resté en vie jusqu'ici, Zartek, on te félicite. Ton émago sont ready, PPR t'as pris la fuite. Ranger le calibre dans les tuiles, c'est une affaire classée sans suite. Souvent ça part au charbon sans penser.